Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarins, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 16 au 22 octobre 2009. Je m'appelle Mathieu Plante. Comme à chaque semaine, on va se faire un top 20 franco et un top 20 anglo, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Quelques nouvelles entrées cette semaine, pas mal même. Il y en a 7, 3 du côté anglophone. We Are Wolves avec Paloma, You Say Party, We Say Die, Pete York et Scarlett Johansson. On a aussi du côté francophone, La Patère Rose, M, Les Trois Accords. Mais on commence avec une nouvelle entrée en 20e position francophone. Voici Shampoing. Et vu que t'es là, tout de suite, dans les Palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. It's crazy that. Oh ouais. Je passe mon temps à faire à brouiller du noir, à prendre ce qui casse, à laisser passer ce qui passe, parce que je t'attendais. J'ai fait mon temps, gros comme le bras, maintenant je m'enfle la tête, mais pas tant que ça. J'ai beau être brillant, je vois une lumière, encore du noir, mais je vois quand même que t'es là. T'es là. On fait un bout dans mes bottines. On marche ensemble sur le même boulevard. La passion brûle, la gasoline. Le soir venu, on va frencher dans ton char. Ça fait trop longtemps que je danse tout seul. Les pieds m'engourdissent et le cœur aussi. À fumer la paix et à boire la vie. C'est pas nos problèmes, c'est nous-mêmes qu'on fuit. Pis là, t'arrives juste avant, je me perds. Des fois, je m'endure plus, pis je me comprends pas. La veille me désenfle, pis je me sens comme une merde. Mais ça dure jamais longtemps, vu que t'es là. Vu que t'es là. We Are Wolves et Paloma de leur plus récent album Invisible Violence, nouvelle entrée en 20e place du côté anglophone. Avant ça, on a entendu Shampoing. Et vu que t'es là, c'est tout nouveau, c'est tout bon. Et ça va commencer à jouer dans les prochaines semaines parce que c'est nouveau puis c'est bon. C'est un peu le résumé de la chose. C'est nécessaire de résumer ça? Non? Bon. Alors, on est rendu au 19e place. Il y a du côté anglophone, on trouve You Say Party, We Say Die avec There's Love ou There's XXXX Within My Heart. C'est comme ça que c'est écrit sur l'album. Donc, c'est le nom, mais dans la pièce, ça va dire There's Love. Ne soyez pas confus. C'est pas si confusant que ça, comme le dit le faux adverbe. Hein? Mais avant ça, on va entendre les trois accords avec leur nouvelle pièce. Le bureau du médecin. Vous êtes dans les palmarès. C'est fou. Le condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Au 89 FM. Thank you. You say party, we say die avec There's Love Within My Heart ou There's XXXX Within My Heart parce que You say party, we say die aime censurer des choses qui sont positives d'habitude, comme faire le contraire. C'est comme ironique, on aime ça. C'est une nouvelle entrée en 19e position anglophone. Avant ça, on a entendu les trois accords et leur nouvel album Dans mon corps. La pièce s'appelle Le bureau du médecin. Ça va monter ça au numéro 1 dans le temps de le dire. Hein? Bon. On est rendu au 18e place du côté anglophone, c'est Pete York et Scarlett Johansson avec Relator. Mais avant ça, voici M et Mystère. Mystère, vous êtes dans les palmarès C'est fou, le condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir, les pièces préférées de tous les animateurs de C'est fou mis ensemble. À C'est fou 89 FM. Mister Mystère aime l'hiver au ciel de pierre. Mister Mystère kiffe la chair glaciale et claire. Mister Mystère aime l'éclair qui fend la terre. Mister Mystère adhère poster de sa grand-mère. Mister Mystère. Tu gardes ton mystère, Mister. Mister Mister parcourt les mers et le désert. Mister Mister jambe de fer et œil de verre. Mister Mister adore l'éternel sa know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. You can see that life's for us to talk about. You can leave whenever you want out. Whoa. You don't. I didn't know what to do, but I noticed that I didn't really feel. Now you're away, you're at home every day. I don't beg, I don't borrow, I steal. You don't think that life's for us to talk about. Bon, c'est rare que j'aime quelque chose à la première écoute, mais c'est génial. Ça, Pete Yorn, oui, avec un N, et Scarlett Johansson avec Relator, nouvelle entrée en 18e place. J'avais jamais entendu ce que Scarlett Johansson faisait comme musique. Je savais qu'elle en faisait. J'avais comme imaginé, comme sûrement, probablement tout le monde, que ce serait de la petite musique bonbon à la panthère. Mais finalement, non, super bon. J'adore ça, vraiment. Très bon style. Pete Yorn et Scarlett Johansson. Avant ça, on a entendu M et Mystère, qui est en 18e place franco. C'est nouveau aussi, et ça vient de son album qui s'appelle aussi Mystère. C'est un CD et DVD. Je pense même que le CD est aussi un DVD et en plus un autre DVD. C'est comme un DVD, DVD, CD. Combo, pack, une frite avec ça. On est rendu aux 17e position du côté anglophone. C'est Champion qui monte de 3 places avec Alive Again. C'était nouveau la semaine dernière. Mais avant ça, voici La Pâte à Rose et la nouvelle pièce Jesse Cock dans les palmarès. C'est fou! Au 89.fm. We'll be right back. Restez avec nous après la pause. Il y a DJ Champion, Éléphantine et Steve Hill dans les Palmarès. C'est fou. C'est fou dans... La tête! C'est fou 89.1, la scène émergente. DJ Champion et Alive Again qui monte de 3 places, est en 17e anglophone. Avant ça, on a entendu La Patte à Rose avec Jessica qui est nouvelle entrée de ce côté-là en 17e. On a terminé pour les nouvelles entrées cette semaine. On en avait beaucoup, hein, quand même un bon 7. Hein. Allez voir www.cfou.ca pour en savoir plus sur les palmarès, c'est fou. Et en passant, on a un site pour l'émission en tant que tel, assemblagerequis.com. On a une page Facebook, les palmarès, c'est fou. Et on est sur Twitter, au twitter.com/palmarès, c'est fou. Tout ça, c'est si simple à retenir, hein, n'est-ce pas? On est rendu en 16e place du côté anglophone. Ça monte de 3 à Steve Hill and the Majestics avec Who Do You Think You Are, c'était nouveau la semaine dernière. Mais avant, voici Éléphantine qui monte d'une place après 9 semaines de présence. Ça a oscillé un petit peu vers les bas du palmarès. Le bas, je sais pas si tu peux avoir plusieurs bas. Une paire de bas, peut-être. Donc, voici Éléphantine, une clope, un café. On est palmarès, c'est fou, 89 FM. N'importe quoi. Une clope, un café, c'est parti. Steve Hill and the Majestics avec Who Do You Think You Are en 16e position anglophone, ça monte de 3 places, c'était nouveau la semaine dernière et avant on a entendu Elephantine et une clope, un café, une pièce qui est sur sa fin depuis un petit bout, mais là ça a remonté de la 17e, des fois ça monte, des fois ça descend, je sais pas, cette pièce-là, tout le monde l'aime, donc elle reste longtemps, c'est tant mieux. En 15e place anglophone, on trouve Mastercraft qui est stable par rapport à la semaine dernière. C'est sa 3e semaine de présence. La pièce s'appelle So Deep. Mais avant ça, on va entendre un morceau qui est là aussi depuis 9 semaines, pareil comme Elephantine. Donc, ils ont entré dans le palmarès la même semaine, mais celle-ci descend de la 5e place. Voici donc Le Roi Poisson et Chien Galeux dans les palmarès. C'est fou, condensé de la meilleure musique que Cifou a à vous offrir. À Cifou 89 FM. De ces libertés que l'on rêve mais qu'on ne peut pas se payer. Mastercraft est So Deep, stable en 15e position anglophone. Ça fait 3 semaines que c'est là, ça monte tranquillement pas vite, ça. Ça vient de l'album Fist of God. Avant, on a entendu en 15e francophone une pièce qui descend de 10 places, Chien galeux du Roi Poisson, mais une pièce qui joue quand même vraiment beaucoup. Et puis, c'est toujours bon, mais c'est sur sa fin. Peut-être qu'une autre pièce du Roi Poisson viendra s'échanger avec elle, faire de l'inter-échangisme. Ah, je me ridiculise moi-même, je l'avoue. En 14e position anglophone, ça monte de 4, c'est Alice in Chains avec Last of My Mind. Mais avant, voici les amis au Pakistan et Imbra Stringra. C'était Stringra. En fait, je pense qu'on va devoir sauter par-dessus les amis au Pakistan. Je la ferai jouer tantôt, je me rends compte de ça. C'est pas grave du tout. On va l'entendre, tiens, les 13e places pour l'instant. Commençons avec Flat et Technicolor. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, 89 FM. Je numéro 13. The Mars Volta et Cotopaxi qui montent de 3 places, est en 13e position anglophone. Avant ça, on a entendu Flat et Technicolor qui montent de la 19e. Tantôt, on va entendre au 14e qu'on a sauté. Mais avant ça, c'est la fin de la première heure. Alors, dans la deuxième, il va y avoir la musique des Amis au Pakistan et de Alice in Chains, Stevie Heart Attack, Gregory Paper and His Problems, Yann Perrault de Chinatown et Fred Fortin. Restez là! Toujours dans les palmarès, c'est fou pour la semaine du 16 au 22 octobre 2009. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. On est rendu en ce début de deuxième heure à nos positions numéro 14 du côté anglophone. On trouve Alice in Chains avec Last of My Mind qui monte de 4 places. Mais avant ça, voici nos amis à nous, mais on les appelle les amis au Pakistan. C'est Imbra Stingra. Au palmarès, c'est fou.

Alice in Chains et Last of My Mind qui montent de 4 places en 14e position anglophone. Avant ça, c'était les amis au Pakistan avec Imbra Stingra qui monte de 6 places. Vous êtes dans les Palmarès Sifu, on lance de la meilleure musique que Sifu a à vous offrir. Je vous rappelle les adresses importantes à suivre. Il y a assemblagerequis.com pour les notes de l'émission de ce soir. Le site de Sifu est au www.sifu.ca. On est sur Facebook, les Palmarès Sifu, et sur Twitter, twitter.com/palmarèssifu. Bon, on est rendu aux 12e position du côté anglophone. Il y a TV Heart Attack avec AO ou IO, hein, qui monte de 5 places. Mais avant ça, c'est Yann Perrault. Voici L'amour se meurt. On est ensemble jusqu'à 20h. Et à cette heure-là, ben, ce sera les lutins de l'enfer. Alors restez avec nous toute la soirée. Ah, c'est Fou 89.1 FM. J'entends les échos au salon. Le chant de bataille fume, le son des clairons pleure, la lune cachée, l'amour se meurt. C'est la fin de l'amour, crucifié de bonté perdue. L'amour se meurt. Trying to find your way out. The phone rings. Stevie Heart Attack et AO en 12e position. Anglophone, ça monte de 5 places. Avant, on a entendu Yann Perrault et L'Amour se marre qui montaient de 6 positions. On s'en va aux 11e position tout de suite. Du côté anglo, c'est Gregory Pepper and His Problems avec une très bonne pièce, I Was a John. Avant ça, il y a Jonathan et Penelope. Et avant ça, il y a un avant-goût de ce qui s'en vient lundi à CNX.zip. Lundi à CNX.zip, on compresse les chroniques CNX de la semaine du 12 octobre avec Go Gadget, nouvelles du futur et trucs cool. Tout ça en plus des nouveautés en magasin et de musique de jeux vidéo. CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio, lundi 10h. Tash.tash.tash.com. Mon amour, une longue vie. Pour nous, mon amour, plus jamais d'ennui. Plus jamais d'ennui. Plus jamais d'ennui. Car pour toi, Pélélope, je ferai de la pop. Oui, pour toi, Pélélope, je ferai. Oh, numéro 11. Gregory Pepper and His Problems avec I Was a John en 11e position anglophone, ça monte de 3 places. Plus tôt, on a entendu Chinatown et Penelope qui montaient de 4 places. Et entre les deux, par ma grande générosité, je donne une pièce bonus de TV Heart Attack. Hein, c'est pas gentil de ma part, ça. Je m'adore. Donc, la pièce était, c'était quoi? Mean What You Say. Voilà. J'ai juste pas passé à la bonne. Bref, on est rendu aux 10e position, mais avant ça, on prend une pause. Trop essoufflé. Restez là, c'est les palmarès, c'est fou, 89 FM. Vous êtes toujours dans les palmarès, c'est fou au 89.1 FM, je m'appelle Mathieu Plante, on est rendu au point de mi-chemin, au point de sauvegarde si on veut, on a appuyé sur Start, choisi sauvegarder maintenant, petit drapeau, etc., etc. Hein, référence de jeux vidéo que peut-être que les fans de jeux vidéo comprennent, mais bon, c'est pas grave. On est rendu aux 10e position du côté anglophone, c'est Sunset Rap Down avec Elliot Hart qui monte de 2 places, mais tout de suite, ça monte de 4, voici La Merveille Masquée, Tune pour Léonie, par Fred Fortin, dans les palmarès, c'est fou. Je l'avoue qui se promène entre tes beaux dentiers. As-tu ben dit framboises et pommes? Pas trop compris, mais c'est ce que j'ai cru décoder. Ça, c'est de la bonne seconde, framboises et pommes. Ta langue, la reine de ton peuple est sucrée, sa majesté. Des choses à quoi c'est pas ce qu'il y a d'érange, comme parler puis promener, ça gomme entre ses beaux dentiers. Ça c'est de la bonne seconde, framboise et pomme. Ça c'est de la bonne seconde. ce nez. Ça pourrait être la chance pour un jaloux de s'approcher et de surprendre la merveille masquée. Vous êtes toujours dans les palmarès, c'est fou, 89.1 FM. Mais oui, on est rendu à notre numéro 10. Les choses vont très bien, les choses avancent. Et je suis toujours aussi mêlé qu'avant. Il n'y a rien là. On n'en parle même pas. C'est pas important, ça, voyons là. Hey! On n'a pas de temps à perdre, donc voici la bonne. Idiot Hard, Sunset Run. So Sunset Rubdown et Idiot Heart en 10e position anglophone, ça monte de 2 places. L'album s'appelle Dragon Slayer. Avant ça, on a entendu Fred Fortin et La Merveille Masquée qui montaient de 4 places en 10e francophone. On a dépassé la moitié de notre palmarès, donc il nous reste les positions 9 à 1. On va bientôt savoir si nos numéros 1 sont toujours Vincent Vallière avec Sortir du bois en franco et Zeus avec Marching Through Your Head du côté anglophone. Très bientôt d'ici à 20h. À 20h, ça va être Les Lutins de l'Enfer jusqu'à 22h. Et après ça, il y a de la musique toute la nuit. Toute la nuit. Et demain matin, il va y avoir Bonjour Monsieur Mozart. Ça va changer complètement de style musical. Mais c'est justement la beauté de ces fous, tellement de styles musicaux qui sont ensemble comme ficelés, comme une pantoufle de Pentex Music. Trop, je sais. Du côté anglophone, la 9e position, c'est Spiral Beach avec Me Go Round and Mania. Mais avant, voici Bernard Adamus. Et la question à 100$, vous êtes dans un condensé de la meilleure musique que Cifou a à vous offrir. En fait, c'est le seul condensé de la meilleure musique de Cifou. C'est les palmarès, Cifou. C'est bien tranquille, là, il se mène à soi. Tu clôt la tank du rouge pendant que je bois du noir. C'est la démence vasculaire, on t'est fouéré d'un saut au fond, sac comme des vieilles sacoches. Tu clôt dans ma bien pour l'enfer du dollar. Les 30 cents de fond de poche, pas de lumière sur le sentier, pas de flamme au bout de ta torche. La question est proche, mais la réponse est pareille. Hey, c'est moi qui hallucine, ou ben c'est le fond de bouteille. Tu clôt d'appoigne le téléphone, puis elle appelle son homme. Elle dit, c'est mon voisin que je t'aime, j'ai pas une maudite scène. L'hiver va être long cette année, j'suis cassé, ben raide. Cherche tout bas du côté, du mousse qui est un peu de blé. Image des croûtes de pain blanc qui fume de la feuille. Il cherche une gigue de fin de mois à arrondir. Qu'est-ce qu'il y a pour l'autre bord de la fenêtre? C'est la tempête, Eric, les flots font la fête. Il y a des rêves en boucan, puis des remords de bonnes femmes. S'accroche ses 30 trop tôt, la musique perd de son charme. La question est proche, mais la réponse est pareille. Il cherche de quoi est magique, qu'est-ce que tu vas te mettre dans les oreilles? Trentaine d'années dans le corps, avec un dico sur le dos. On s'entend, tu pas le Père Noël, tu vois sortir du métro. L'hiver va être long cette année, il est cassé, ben raide. Il cherche tout bas du côté, cette mousse un peu de blé. Je sais pas faire grand chose, à part chanter des rengaines pis dire aux filles que je les aime. Une saison slush de bouette, de gadou pis de frette. Une chance, j'ai ma bonne femme pour s'élever avec. Elle a des beaux bras de ciel, solides comme le fer. The girl that I love got long black curly hair. Ça lingera pour aujourd'hui, j'ai curé de chanter comme hier. C'est que t'aimes de même, mais ton sourire me rend fier. La question approche, est-ce que la réponse s'en vient? Ton odeur à maison, vas-tu être là demain? J'étais à quatre pattes dans la cuisine en train de shiner le carrelage. Des jardins dans le tapis, c'est qui la femme de ménage? Vive le vent, fais-moi faire un matin, quoi, Berville Rosemont. Y'a la job qui m'appelle pour ta qu'on est ta maison. Ça n'est que soleil brille, c'est plage de maté. La bière coule à flot dans les ports de Séville. J'suis comme un enfant fou qui compte ses billes. Et regarde, j'suis comme un malade dans un allée de cueil. La question approche, elle me bourdonne des oreilles. Si j'veux du miel, faut-tu vraiment j'fasse comme l'abeille? Là, c'est soir de chaud, toutes les verres débordent. Des 5 piastres à porte pour le gars classico. numéro 9. Spiral Beach et Mego Round in a Mania, position numéro 9 anglophone, ça monte de 4. Avant ça, du côté franco, c'était Bernard Adamus avec la question à 100$, ça monte de 2. Vous êtes dans les Palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Avant de continuer avec les prochaines positions, c'est-à-dire les 8e, les Fatal Picard et Marcy Playground, on va parler un petit peu de ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. C'est important, hein, parce qu'il n'y a pas juste un top 20 francophone, un top 20 anglophone. Non, détrompez-vous, arrêtez de penser ça, c'est même pas vrai. Hein? Alors, on a aussi un top 30 des CD, le top 3 des disques canadiens, le top 10 loud et le top 10 électronique. Commençons par le top 30 des CD. Il y a une seule nouvelle entrée, c'est We Are Wolves avec leur nouvel album Invisible Violence. Top 3 maintenant, ça monte de 2. En 3e, Band of Skulls avec Baby Darling Dollface Honey. En 2e, ça monte de 1. Metric avec Fantasies. Et en 1ère, ça monte de 9. Place Oromokto Diamond avec Le Choc du Futur. Dans le top 3 des disques canadiens maintenant, pas de nouvelle entrée. Par contre, la 3e monte de 2, c'est Band of Skulls avec Baby Darling Dollface Honey. En 2e, Metric avec Fantasies. Et en 1ère, Oromokto Diamond avec Le Choc du Futur. Donc c'est exactement la même chose que dans le top 30 des CD. Et les chiffres n'ont aucun rapport, ça dit 25, en tout cas. Peu importe. On passe au top 10 électronique maintenant. Tiens, nouvelle entrée en 9e place, The Dielectric avec Rapid Eye Volume 3. En 5e, c'est aussi nouveau, End avec The Dangerous Class. Et finalement, en 3e, 07 avec Yeah Ghost. La deuxième position monte d'une place, Handful of Snowdrops avec 20th Anniversary Expanded and Remastered Edition of Land of the Damned, Groundwork for Fundamentals, Demo Archive Volume 1, 1984-1986. toujours aussi nul à dire. Et en première, ça monte d'une place Rival Consoles avec IO. On termine avec le top 10 Loud, une nouvelle place, une nouvelle pièce, un nouvel album. Plutôt. Hein? Baroness avec Blue Record. En troisième, ça descend d'une place. Behemoth avec Evangelion. En deuxième, ça monte de une, donc ça a échangé avec Behemoth. C'est Black Dahlia Murder avec Deflorate. Et en première place, Megadeth avec Endgame. Et je regardais ça justement, tiens, parlons-en brièvement. Le Metal Fest de Trois-Rivières 2009, ça a lieu la fin de semaine du vendredi 13 novembre, aussi le samedi 14. Il va y avoir plein de choses, dont Black Dahlia Murder. Donc, les billets sont pour un soir 25$ et deux soirs 40$. Allez voir trois-rivières-metal.com pour plus d'informations. Trois-rivières-metal.com. On retourne à notre palmarès, top 20 franco, top 20 anglo, parce qu'on était rendu au 8e place. Du côté anglophone, on retrouve Blackbird de Mercy Playground qui monte de 2. Mais tout de suite, voici les Fatal Picard et c'est l'histoire d'une meuf. Dans les palmarès, c'est fou. Au 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Dans une minute, ça va être à toi. Tremble un peu, mais pas tant que ça. Dans le refrain de Santiano, c'est toi qui chantes le premier. Il sera. C'est quand même pas normal que cette année tu ne sois jamais passé à la méthode Coé. Entre ton album en hommage à Barbe Livien et ta reprise d'antisocial avec Muriel Robin, cette année, ça va pas se passer comme ça. D'abord t'as un micro ring pour toi, tu sais exactement où sont les caméras. En plus t'as même couché avec Palmarella. T'espères au moins qu'on te voit bien, t'espères au moins qu'on te cadre bien, t'espères au moins que sur le refrain c'est toi qui tiens. Mimi Mati parle à ma vie. Cette année, c'est l'année de ta vie. T'as kidnappé Cabrel, Obispo et Fiori. Avec la moustache, le crâne rasé, l'accent corse. Même Goldman saura enfin qui est le boss. Oui, depuis aujourd'hui, c'est ton année à toi. T'as injecté Azenati une seringue d'Ebola. T'as offert de l'anthrax à Hélène Segarra. Et s'il faut aller jusque-là, tu partageras la loge d'Elsa. T'espères au moins qu'on te voit bien. T'espères au moins qu'on t'aime bien. T'espères au moins que sur le refrain, c'est toi qui tiens. Où est les garous par la main. Toi tu files un vrai rancard à ceux qui comme toi ne sont plus rien. Sans actualité, sans médias, sans public, sans rien. T'espères au moins qu'on te voit bien. T'espères au moins qu'on te paye bien. T'espères au moins que sur le refrain c'est toi qui tiens. Coluche par la main. Just as soon as the skies turn gray. clouds, beautiful skies today. You'll chase them until your dying day. Thank you, rain. Thank you, rain. Wash away all my shame. Every time I call your name, when I'm sad, you soothe my soul. You give love. Bonne pièce de Marcy Playground, Blackbird, en 8e position anglophone. Ça monte de 2 places. Avant ça, on a entendu les Fazal Picard et c'est l'histoire d'une meuf qui monte de la 13e. Et c'est là-dessus que se termine la 2e heure des Palmarès. C'est fou. Il y en a une 3e qui s'en vient avec la musique des Maléchés. La question, Venus Perrieteur. On va savoir si le numéro 1 francophone est toujours Vincent Vallière. Il va aussi y avoir de l'anglophone avec Stanley Waltz, Metric, Battle of Scores. L'ancien numéro 1, Zeus. Le nouveau numéro 1, le toujours numéro 1. Aucune idée. Restez là pour le savoir. C'est les Palmarès. C'est fou. C'est fou pour la semaine du 16 au 22 octobre 2009. Je m'appelle toujours Mathieu Plante et dans cette troisième heure, ben, on va faire les positions à partir des septièmes. Tiens, oui, pourquoi pas les septièmes? Parce que c'est là qu'on est rendu. Du côté anglophone, la septième est occupée par Butterfly de LCP Isaac. Mais avant ça, voici les Maléchés et leur nouveau classique qui monte de 3 places, c'est la taverne d'à côté. Hop, on va rester fou jusqu'à 20h au 89.fr. Juste à côté de la job, y'a la taverne des Maléchés. C'est pas ben, ben propre, c'est mal éclairé. Stanley est toujours là, ben pacté. Mais nous autres, ça nous va rien, c'est pas pour ça qu'on y va. On y va, c'est parce qu'on aime ça. Gardez le cul à José. Une vieille horloge de la mosse nous dit quand il est l'heure de farmer. Une vieille table de boule avec le tapis déchiré. Un jeu d'or inutile, prendre la poussière dans un coin. Y'a rien qui sait de ton ébain, c'est pas une place pour les faunés. Un, deux, trois. Si tu cherches la bataille, c'est ce que tu vas trouver. Les gars assis au comptoir sont pas là pour se faire achaler. Ils viennent prendre leur bière après leur grosse journée. Ils l'ont bien mérité. La place commence à chauffer, gros leur vient d'arriver. C'est lui qui vend la poudre, il travaille pour t'aider. Certains seuls l'arrachent, vendraient le bain pour 25 piastres pour se poudrer le nez. les gars se battent avec des baguettes de poule. Mais ouais, c'est pour ça qu'on y va. Il manque rien ni personne, ça s'est vraiment bien passé. À ça, vous savez pourquoi on y va? Ben, c'est bien simple. C'est parce qu'on aime ça. Numéro 7. Avec tout ce que je comprends. dont je suis certain, à part le fait que je comprends rien. Tu vois pas vivre dans le présent, si tout ce que je fais c'est compliqué. Ça s'appelle un long bloc de 4 pièces. Ça, c'était The Mannequin avec Bad Medicine en 6e, c'est stable. Avant ça, on a entendu la 6e Franco qui monte d'une place La Question avec Compliqué Évident. Avant ça, c'était les 7e, Melissa P. Isaac avec Butterfly qui descend de la 3e et les Maléchés avec la Taverne d'à côté qui monte de 3 places. On est rendu aux 5e position, donc top 5 et les choses avancent très très rapidement. Il nous reste, ça je disais, les 5 premières positions, c'est pas dur à comprendre, hein? Je vais pas vous l'expliquer 3-4 fois. Mais les numéros 1 de la semaine passée étaient Vincent Vallière avec Sortir du bois et Zeus avec Marching Through Your Head. Et par coïncidence totale, c'est justement la 5e position. Maintenant, Vincent Vallière avec Sortir du bois, donc on a un nouveau numéro 1, Franco. Suivra la 5e anglophone, Standing Waltz et In My Nightmare qui monte de 3 places. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou. Le gros danser de la meilleure musique que Sifo a à vous offrir au 89. FM. Reste un bout à faire avant d'arriver à avant d'arriver. Me boire ben une bière, mais faut continuer, ouais, faut continuer. Et quand les teintes sont gris et que tout me désole, je sors la guitare et puis la musique me console. Je m'en vais sortir du bois, t'auras jamais vu ça. Je crois très fort en moi. Et que les journées sont folles, ta présence me rassure, ton sourire me console. On va sortir du bois, t'auras jamais vu ça. Je crois très fort en toi. La la la la. Yeah. bouche full peanuts. Des peanuts pour déjeuner, c'est ce qui me rend heureux. Du beurre de peanuts sur du pain, ça me donne la faim. C'est fou, 89.1. Put it on, put it on, put it on. des pièces qu'on joue le plus souvent dans l'assemblage requis qui est diffusé du lundi au jeudi de 15h à 17h. Moi, Kiwan, on adore cette pièce, Marching Through Your Head de Zeus. C'était le numéro 1. D'ailleurs, la semaine passée, là, ça descend de 3 places. Avant, on a entendu du côté franco Mimi Van Der Glo avec Quartine Chrétien qui monte de 2 places. Pardon. Mais ça joue tout le temps. C'est tellement bon, Mimi Van Der Glo, groupe local. Avant, c'est les 5e places en anglo, Standing Waltz avec In My Nightmare qui monte de 3. Et avant ça, l'ancien numéro 1 franco, Vincent Vallière avec Sortir du Bois. Un excellent bloc musical ici dans les Palmarès. C'est fou. Il nous reste les positions 3, 2 et 1. Mais ce sera juste après ces messages publicitaires. Alors restez avec nous. C'est fou de... dans ta face. 89-1-1-1. Vous êtes toujours dans les palmarès, c'est fou, condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Je vous dis, il nous reste le top 3, donc quand même pas mal de pièces, 6 bonnes pièces et à peine une demi-heure pour le faire, donc on va se dépêcher et écouter que de la musique ou presque jusqu'à la fin. On est rendu au 3e place du côté anglo, c'est Bad of Scars avec Fires, mais avant ça, voici Valesse Pariétaire et le filet et l'abîme au 89 FM, c'est fou dans tes oreilles! La mer Band of Skulls et Fires en troisième anglophone. J'ai peut-être dit plusieurs fois dans l'émission aujourd'hui, mais c'est vraiment une de mes pièces préférées, ça. Vraiment, c'est génial. Band of Skulls, apparemment que l'album est super bon aussi. Il va falloir que je l'écoute. C'est Baby, Darling, Dollface, Sunny. Donc, ça monte d'une place. Avant, du côté franco, c'était Vanessa Parietter, un autre de mes groupes préférés. Mais Colin, que toutes mes affaires préférées montent. Hein? Le filet et l'abîme descend d'une position. Par contre, bon, ça a monté pas mal. Le numéro 3, c'est bien. Comme je le disais, le temps avance. Il nous reste encore les positions numéro 2 et numéro 1. Et là, on doit se dépêcher. Donc, on va aller tout de suite entendre les deux positions de chaque côté. Donc, quatre pièces de fil. On commence avec les deuxièmes positions. En anglophone, c'est Oro Mokto Diamond avec The Last Diamond in the Cave. On commence avec le nombre. Voici Couleur naturelle dans les paroles. C'est fou! 89 FM. Tu changes et tous les jours change à ton discours. Épouse la cause populaire. Renie ta position arbitraire. Oui, tu prétends que c'est dans l'ordre naturel. Couleur naturelle. Numéro 2. suis pas impatient. C'est fou, 89.1. Oh, oh, ah, j'ai peur quand il fait trop noir. Oh, oh, ah. Is it ever gonna be enough? Is it ever gonna be enough? Is it ever gonna be enough? C'était le grand numéro 1 de cette semaine au palmarès. Il faut bien entendre Metric avec Gold Guns Girls qui monte d'une place. Avant ça, c'était Ariel qui monte de 2 avec Faux Filet. Avant ça, on a entendu les positions numéro 2, donc Oromocto Diamond et The Last Diamond in the Cave, ainsi que Le Nombre et Couleur Naturelle qui monte de 2 places. Voilà, donc c'est pour c'est tout pour les palmarès. C'est fou pour cette semaine du 16 au 22 octobre. Moi, je vous retrouve lundi avec Kiwan, l'émission Assemblage requis. Ça commence à 15h. Ça, c'est lundi. Il va aussi y avoir CNX.zip que j'anime lundi matin à 10h. Sinon, ben, ce soir, il y a les lutins de l'enfer qui s'en viennent à partir de 20h. Restez avec nous, ici à C'est fou, et passez une excellente fin de semaine. On se quitte avec un nouveau figurant pour l'instant dans le top 30 des CD. C'est la formation Two Irish Traffic. Leur album s'appelle Territory. On va écouter la pièce Noisemaker. Bye bye. It's a tired refrain. No!